Mimésis. Chapitre 7. Résolution. L'inspecteur a du mal à digérer la nouvelle. Il erre au hasard des rues, ne m'écoute plus. Je préfère me taire et lui laisser le temps. Il ne faudrait pas que je le perde. Beaucoup de monde dehors. Ça brouille. Je me repasse la scène en boucle. Les balles qui fusent dans mon appart, ces mecs abattus de sang-froid, et cette douleur à vouloir en finir. La voix dit vrai. Si je fais le con, ils me feront sauter la cervelle. Nous l'avons emmené jusqu'au bas-fond. C'est là que notre enquête commence, au milieu de ces appartements miteux. Il s'y mure un peuple perfusé d'allocs, qui passe ses journées à se leurrer le cerveau. Un peu de Tahiti ou de Bora Bora, et c'est la fin de cette vie graisseuse dont ils ont pourtant hérité. Il y en a cependant qui se refusent à cet opium facile, et tentent vents et marées de se faire une place au soleil. Ils vivent de petits boulots, fouillent les décharges à ciel ouvert, revendent leur butin de fortune. Ils sont la proue d'une économie parallèle, l'apanage de la débrouille. Et puis, tout à l'arrière, ceux à qui la misère profite et qui ne s'en cachent pas. On ne compte plus les bars clandestins ni les maisons closes. Toute cette débauche m'effraie. Le sang me monte à la tête. De colère, j'envoie un pied dans la devanture d'un commerce abandonné. La vitrine se brise en mille morceaux, ça va plus. J'ai besoin de penser à autre chose ou je vais devenir fou. J'entre dans le premier bar, une espèce de troquet sombre au mur balafré de néon rose. Au comptoir, quelques habitués déjà raides m'accueillent comme une manne providentielle. Laissez tomber les gars, je suis pas d'humeur à payer ma tournée. Barman, file-moi du whisky. N'importe, on s'en fout. Inspecteur, c'est l'heure. Laissez-moi tranquille. Navré, inspecteur, je comprends votre désarroi. Mais j'ai des ordres, vous savez ce que c'est. Mais putain! Je m'affale contre le comptoir, la tête entre les mains. Je sens les regards dans ma nuque. Un mec qui pète un câble, ils doivent en voir pas mal par ici. Le barman, poli, me demande si ça va. J'en ai rien à foutre de ta pitié. Je sens que je vais dégueuler. Livide, en sueur, l'inspecteur fait peine à voir. Il titube jusqu'aux toilettes, manque de glisser dans l'urine, la faïence en accoudoir. Je le laisse vomir tout son saoul, ça doit lui faire du bien. Quand je vais pour me passer un coup d'eau sur le visage, elle est là, dans le miroir. La fille de mon rencard. La même tenue, le même visage angélique. À un moment, je me dis que rien de tout ceci n'est réel et que je suis toujours dans mon salon. À draguer une meuf trop bonne pour moi. Mais l'odeur de pisse et leur lente germe ne me laissent aucun doute. J'ai un mouvement de recul quand elle me tend la main. J'ai aucune raison de lui faire confiance. Mais pour m'en sortir, va bien falloir faire bonne figure. Au moins le temps de trouver comment me débarrasser de ses entrailles. Vous semblez aller mieux, inspecteur. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Nous n'avons pas de temps à perdre. Notre ennemi n'est pas du genre à se tourner les pouces. Mais de qui parlez-vous, à la fin? Vous ne vous en doutez pas? VR Corp. Vous avez donné un vrai coup de pied dans la fourmilière. Votre enquête dérange en haut lieu. Mais vous êtes qui, au juste? Des gens qui n'aiment pas qu'on nous mente. La société est peut-être morte, mais nous, nous avons décidé de nous battre. Nous sommes des résistants. Votre espoir. Depuis quelques jours, l'un de nos contacts ne donne plus signe de vie. Il devait nous remettre des documents de la plus haute importance. Mais l'homme a pris peur. Nous pensons qu'il se cache quelque part ici, dans les bas-fonds. De toute évidence, il ne veut pas qu'on le trouve. Vu vos méthodes, ça m'étonne qu'à moitié. Nous ne sommes pas des limiers, inspecteur. Nous envions votre flair, votre instinct. Trouvez cet homme, c'est tout ce qu'on vous demande. À ses côtés se forme l'image d'un gars dans la quarantaine, lunettes rondes, plutôt trapu. Assez quelconque, à part ce détail qui tue, son œil droit qui dit merde à l'autre. Y a pas pire que de parler à un type qui vous regarde de traviole. Notre indique, nous ne le connaissons que par son pseudonyme, Phobos. Notre seule piste pour l'instant, c'est que l'homme a de la famille dans le coin. Un vieil oncle qui officie comme prêteur sur gage. Voici l'adresse de sa boutique. Je vous guiderai. Je ferme le robinet, me sèche avec une serviette qui pue la moisissure. Dans la glace, ma cible se dresse, immobile. Avec une gueule comme ça, le débusquer sera un jeu d'enfant. Comme j'acquiesce, la voix fait apparaître des flèches en surimpression sur le sol. Mon petit GPS, rien qu'à moi. Sur mon chemin, je laisse un billet au comptoir, sans récupérer la monnaie. Pour ce que ça vaut, de toute façon. Y a plus que dans les bas-fonds qu'on paye encore en cash.